بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد donc c'est terminé cette dernière partie de cours il reste plus beaucoup الحمد لله عليكم السلام pour les frères qui sont d'un peu loin je crois que les responsables ils ont donné l'opportunité de dormir ici hein. C'est juste ou pas je pense que hein. Donc on continue, on est arrivé à la parole de Cheikh Al-Fawzan, il parle de quoi? De ce qu'il dit, certains ils disent que c'est le bid'a, hein? Hasana et bid'a quoi? Seyyi'a. Donc Cheikh dit, certains ils disent qu'il y a une bonne innovation religieuse et il y a une mauvaise innovation religieuse. Et je vous ai dit, voir l'excellente réfutation, on a presque tout lu ensemble, de cette ambiguïté par l'imam Shatibi à ce sujet dans l'I'tisam, volume 1, page 188-193, et moi j'ai l'édition qui est Al-Maktaba Al-Tijariya. فنقول البدع في الدين ليس منها شيء حسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة فمن قال إن من البدع بدعة حسنة فإنه يكون مكذبا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فلا توجد بدعة حسنة في الدين أبدا أما ما سماه من البدع الحسام كبناء المدارس والربط وتأليف الكتب فنقول هذه ليست بدعا بل هو مما حث الدين عليه وهي وسائل إلى أمور مشروعة فقد حث على الإحسان والعمل الصالح وفعل الخير وهذه كلها من وسائل الخير وهي معينة على فعل الخير فيها ليست بدعا وقد جاء بها الدين وحث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان وما قوله عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها المقصود به أنه أحيا سنة قد أميتت فتبعه الناس بذلك فله أجرها وأجر من اقتدى به فعمل بها فهذه ليست بدعة حسنة وإنما هي سنة حسنة فتعليم العلم النافع وعمل ما يعين على طلب العلم من فتح المدارس وإنشاء المعاهد والكليات وفتح الربط لطلبة العلم هذا كله مما يعين على طلب العلم وهو مأمور به شرعا وليس من البدع. Donc, Cheikh, il continue en disant, nous disons, il y a de bien et rien de bien dans les innovations religieuses. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, toute innovation religieuse est un égarement. Rapporté par Muslim. Donc, celui qui dit qu'il y a parmi les innovations religieuses une innovation qui est bonne aura alors démenti la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Toute innovation religieuse est un égarement. Et sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, quiconque met en pratique un acte qui ne fait pas partie de notre religion, cet acte est rejeté. Il n'y a donc jamais une bonne innovation dans la religion. Quant à ce qu'ils ont appelé les bonnes innovations, comme la construction d'écoles et des hospices et l'écriture de livres, nous disons que ce ne sont pas des innovations religieuses. Mais de plus, cela fait partie des choses auxquelles la religion a incité. Et ce sont des moyens vers les choses légiférées. Car elle, la religion, a incité à la bienfaisance et à l'action virtueuse et à faire le bien. Or, ces choses sont toutes des moyens de faire le bien. Donc, ce ne sont pas des innovations religieuses. Et ce sont des choses avec lesquelles la religion est venue. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam y a incité. Allah le Très-Haut a dit, c'est dans la traduction du sens est, entraînez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété. Surat al-Ma'ida verset 2. Quant à sa parole sallallahu alayhi wa sallam, quiconque a établi en islam une bonne sunna aura sa récompense, la récompense de ceux qui l'auront mise en pratique. Maintenant ils utilisent ce hadith. Ils disent, ah ben voilà, man sanna fil islam une sunna tan hasana. Hein, celui qui établit une bonne sunna qui est bonne, et bien là sa récompense. Et la récompense de celui qui la pratique. Mais il n'a pas dit ptada, hein? D'accord. Et de toute façon, le hadith, il est contre toi. Pourquoi? Parce qu'il faut voir pourquoi le prophète Hassan a dit ça. C'est quoi la situation? C'est qu'il a incité, quand il a vu des gens qui étaient pauvres, il a incité à donner sadaqa. Et le premier qui s'est levé, il a donné sadaqa. Le prophète Hassan a dit, parce que les gens l'ont suivi après. Et sadaqa, c'est légiféré ou pas? Non. Et ce hadith est rapporté par un musulman d'après le hadith de Jarir ibn Abdullah qu'elle a l'agré. Et le sens de cela qu'il a revivifié une sunna qui avait été délaissée. Et les gens l'ont suivi en cela, il aura alors sa récompense et la récompense de ceux qui l'ont pris comme exemple et l'ont donc mise en pratique. Cela n'est donc pas une bonne innovation religieuse, ce n'est rien d'autre qu'une bonne sunna. Donc l'enseignement de la science bénéfique et faire ce qui est à l'apprentissage de la science en termes d'ouverture d'école et d'établissements d'instituts et de facultés, etc., Là, comme un frère un jour l'avait parlé à Tabligh, il avait dit, ah, mais vous aussi, vous faites des miracles, quelle dernière affaire? Vous avez des universités, vous avez des facultés, vous avez des... Il n'y avait pas ça à l'époque, etc. Subhanallah. Vous voyez, c'est des chouboîtes qui existent. Comment tu compares l'université de Koulia avec les méthodologies innovées que vous avez, vous? Regardez la réponse de Jean Fawzan, elle est claire. Donc il dit, cher, et l'établissement d'instituts, de facultés et l'ouverture d'hospices pour les étudiants, tout cela fait partie des choses qui aident à l'apprentissage de la science. C'est une chose sur laquelle il y a un ordre dans la religion. Et cela ne fait pas partie des innovations religieuses. Quant aux choses qui sont innovées, mais pas dans la religion, comme la fabrication d'avions, etc., le cheikh il dit, وَعَمَ الْأُمُورُ مُبْتَدَعَ فِي غِيرِ الدِّينِ كَصِنَاعَةِ الطَّائِرَاتِ وَالسَّيَّارَاتِ وَالْمَرَاكِبِ الْبَحْرِيَةِ فَهَذِي أُمُورٌ مُبَاحَةٌ وليست من الابتداع في الدين. والله جل وعلا يقول وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه لأجل منافعكم ومصالحكم. فهذه لا تدخل في العبادات لكن قد يستعان بها لأداء العبادة، فركب السيارة للحج أو لصلة الرحم أو تحصيل المباحات، ونركبها للتجارة للنزهة، وهذه كلها من منافع السماوات والأرض التي أباحها الله لنا، فليست بدعة لأنها ليست من الدين بل هي من العادات والمباحات، فلم نسميها بدعة إلا إن كان من ناحية اللغة لأنها شيء جديد لكونها ظهرت في وقت ولم تظهر فيما قبله، حيث قدر الناس عليها وكانوا من قبل لا يقدرون عليها. Donc Cheikh il dit, quant aux choses qui sont innovées mais pas dans la religion, comme la fabrication d'avions, de voitures, de navires, etc., ce sont des choses licites qui ne font pas partie du fait d'innover dans la religion. Allah dit dans la traduction du sens 1, il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, le tout venant de lui. Je vous donne une petite faïda en plus par rapport à ce verset-là, hein, de Sourate Al-Jasiya. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْ أي من من؟ من الله سبحانه وتعالى. والحديث الشيخ العثيمين dans القول المفيد في أدلة التوحيد وشرح كتاب التوحيد qui fait 1200 pages plus ou moins, il a dit une belle faïda. Parce qu'il refute une choubha des chrétiens. Les chrétiens ont dit, oui, mais vous aussi, vous dites que, hein, vous dites qu'on a tort vis-à-vis des Jésus, etc. Votre prophète, ça ressemble, qu'est-ce qu'il a dit? Wa ruhun min. Hein? Kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Wa ruhun min. Ils disent, min dans la langue arabe, c'est une partie de. Donc, hein, c'est une partie d'Allah. Sur l'Athim, il a répondu à ce verset-là. Il leur a dit, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Est-ce que ça veut dire que tout ça, ça fait partie d'Allah aussi? Mine la différence dans la langue arabe. Hein? D'ailleurs, regardez les ulama comment ils comprennent la langue arabe et comment ils répliquent avec des textes, etc. C'est-à-dire venant de lui, c'est pas une partie de lui. D'accord? Donc faites attention, vous trouvez un genre de chrétien qui connaissent l'arabe mieux que peut-être que vous et moi. Comme vous trouvez certains en Égypte, etc., hein, ou au Liban, etc., même certains d'être son docteur dans la langue arabe, mais c'était, hein, ou bien vous trouvez que c'est un prêtre, mais il est arabe, et il lit peut-être même le Coran, etc., hein, et ils vont essayer de vous mettre des choubouhats. D'accord, mais quelqu'un, alhamdoulilah, qui a dit ilm, il sait répondre facilement. Le danger, c'est celui qui n'a pas d'ilm. Et regardez le verset comme il écrit la traduction, et il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, le tout venant de lui, min. Sourate Al-Jasiya, verset 13. Et ce pour leur bénéfice et leur bien. Cela n'entre pas dans les adorations, mais il se peut qu'elles soient utilisées afin de s'acquitter de l'adoration, comme monter en voiture pour faire le pèlerinage, ou pour visiter la famille, ou pour l'obtention de choses licites. Nous y montons pour le commerce et pour nous promener. Toutes ces choses sont des bienfaits des cieux et de la terre qu'Allah nous a permises. Elles ne sont pas des innovations religieuses car elles n'en font pas partie de la religion, mais de plus elles font partie des us et des choses, ce qu'on appelle les us et coutumes, les us et des choses licites. Et donc on ne les appelle pas des innovations religieuses sauf si c'est dans le sens linguistique. Ce qu'on a dit, le sens linguistique, c'est quelque chose de nouveau, hein, d'accord? Car ce sont de nouvelles choses et car elles sont apparues à une époque. Elle n'était pas apparue avant. Et ce, car les gens en sont capables, alors qu'avant, ils n'en étaient pas capables. Et Cheikh, il dit, et on arrive à la fin, alhamdulillah, فَيَنْبَغِي مَعْرِفَةِ دِي الْأُمُورِ لِنَا أَهْلَ الضَّلَالِ يُلَبِّسُونَ عَلَى النَّاسِ يَقُولُونَ هَلْ كُلُّ شَيْءٍ بِدْعَةٍ فنقول لا، ليس كل شيء بدعة، بل بدعة هي ما أحدد في الدين مما ليس منه، وليس له دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما ما عداها فليس ببدعة، وإنما هو مما أباح الله لعباده، ففرق بين هذا وهذا. Donc Cheikh il dit, il convient donc de connaître ces choses car les gens de l'égarement trompent les gens et disent, Oh, est-ce que tout est innovation, tout est bid'a pour vous? En disant non, tout n'est pas innovation religieuse. Mais de plus, les innovations religieuses sont ce qui a été inventé dans la religion, on n'en fait pas partie. Et sur lesquels il n'y a aucune preuve, ni du livre d'Allah, ou de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est autre que cela, ce n'est pas une innovation religieuse. Et ce n'est que ce qu'Allah a rendu licite à ses serviteurs. Il y a donc une différence entre ceci et cela. Hein, ils font ça, pourquoi? Pour faire fuir de vous, en fait. Tu vois, vous tous, bid'a, bid'a, bid'a, bid'a. Hein? D'accord. On a des smartphones, ça, hein? On a des téléphones, on a des voitures, on monte en avion. Hein? Mais je ne suis pas venu à pied jusqu'ici. J'ai pris un avion. Hein? Après une voiture. Non, le stade. Hein? Et là, on arrive au dernier, à la dernière pensée, c'est quoi? La'allaka tuflihu. وقال النبي رحمه الله لعلك تفلح يعني اذا اردت الفلاح والسعاده في الدنيا regardez ça c'est on arrive vraiment à la fin là de cette conférence mais ces mots là ils sont importants on voit en fait l'importance de ce genre de cours يعني اذا اردت الفلاح والسعاده في الدنيا والاخره فتمسك بحبل الله واتبع الهدى هذا هو سبيل الفلاح والفلاح وكثره الخير ونيل السعاده قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى قوله تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون فهذه هي أسباب الفلاح فإذا كنت تريد الفلاح فعليك بهذه الأمور الثلاثة أولا تمسك بحبل الله ثانيا واتبع الهدى وثالثا وتجنب البدع فإن أخللت بواحدة من هذه الثلاث فإنك تخسر ولا تفلح أبدا والعياذ بالله من ذلك قال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فضد الفلاح والخسار والعياذ بالله ولم يخسروا الأموال بل خسروا أنفسهم وكون الإنسان يخسر نفسه هذا أشد أنواع الخسار والعياذ بالله قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. Donc, cher, il dit, dans l'espoir que tu réussisses. C'est-à-dire, si tu veux le succès qui est le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà, alors attache-toi au câble d'Allah et suis la guidance. Et ceci est la voie du succès, al-falah. Et al-falah, c'est beaucoup de bien et l'obtention du bonheur. Et qui d'entre nous n'inspire pas bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà? Hein? Allah dit, ce dont la traduction du sens est, bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur prière, quel khushu' dans la prière. Jusqu'à sa parole, la traduction du sens est, et qui observent strictement la prière, leur prière, ce sont eux les héritiers. Qu'est-ce qu'ils héritent? Qui hériteront le paradis pour y demeurer éternellement. Qu'Allah fasse que nous fassions partie de ces gens-là. Surat al-Mu'minun, verset 1 à 11. Voilà donc les causes du bonheur. Et regardez, cher, comment il résume bien. Vous voyez, un grand savant, comment il fait bien les choses. Hein? Donc, si tu cherches le bonheur pour ta propre personne, ces trois choses t'incombent. Elles sont obligatoires pour toi si tu cherches le bonheur. 1. Attache-toi au livre d'Allah. 2. Essuie la guidance. 3. Et écarte-toi des innovations religieuses. C'est quoi? Attache-toi au livre d'Allah, essuie la guidance et écarte-toi des innovations religieuses. Si tu manques à l'une de ces trois choses, le cheikh il dit, alors tu perds et tu n'obtiendras jamais le succès. Allah dit, selon la traduction du sens est, ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux. Et ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leurs propres âmes. Surat al-Mu'minun, verset 102-103. Donc le contraire d'El Falah, le succès c'est quoi? C'est le khassar, la perte, la ruine. Qu'Allah nous en préserve. Ils n'ont pas perdu les biens financiers. Mais au contraire, ils ont ruiné leurs propres âmes. Et que la personne ruine sa propre âme, cela est le pire des genres de ruines. Qu'Allah nous en préserve. Puis cher, il dit, Allah dit, selon la traduction du sens est, dit les perdants sont ceux qui au jour de la résurrection auront causé la perte de leurs propres âmes et celle de leur famille. C'est bien cela la perte évidente. Surat Zumar, verset 15. Et sa parole qu'elle a dit, wa la'allaka, la'allaka tuflihu. Qu'est-ce que ça veut dire la'allaka? Hada raja, li'an al-aqida sahiha, alla najima li ahadin bi falahin illa man shahida lahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aw ja'a fi al-Qur'an annahu min ahli al-falah. أو لم يأتي في الكتاب أو السنة تعيينه أنه من المفلحين فإننا لا نجزم له بالفلاح ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء وأيضا المسلم لا يغتر بعمله فمعنى قوله لعلك تفلح أي لا تغتر بعملك ولكن عليك أن تأتي بالأعمال الصالحة وترجو الله أن يجعلك من المفلحين ولا تعتمد على الرجاء فحسب بدون عمل هذه طريقة الضالين وهذا هو الرجاء المذموم والرجاء المحمود والذي يكون معه عمل صالح فتعمل السبب وترجو من الله سبحانه وتعالى et dans l'espoir que لعلك suscite une espérance. Regardez les ulama comme il a dit لعلك تفلح. Hein? Dans l'espoir que tu réussisses. Ceci est une espérance car la croyance correcte est que nous n'affirmons pour personne la réussite de manière catégorique. À l'exception faite de celui pour lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a témoigné ou celui au sujet duquel il était rapporté dans le Coran, on en a parlé tout à l'heure, qu'il fait partie des gens de la réussite. Nous nous espérons pour le bienfaisant, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, et nous craignons pour le malfaisant. Et aussi le musulman n'est pas imbu de sa propre action. Regardez comment l'ulama est éduqué. Dis pas, alhamdulillah, moi je suis bien. Là, t'as retardé bien, Amalik. Ne sois pas imbus de ta personne et de tes actions. Tu espères être parmi les bienheureux. Et tu espères bien faire et t'as peur de pas être, d'être parmi les perdants, alhamdulillah. Donc, le sens de dans l'espoir que tu réussisses, c'est-à-dire ne sois pas imbu de ton action et tu te dois de faire des actions vertueuses et de demander à Allah qu'il fasse que tu sois parmi les bienheureux et ne compte pas uniquement sur ton espérance sans agir. Car cela est la voie des égarés, et c'est cela l'espérance blâmable. Donc une espérance blâmable est l'espérance louable. Raja un madmoum wa raja un mahmoud. Tandis que l'espérance louable, c'est celle qui est accompagnée de l'action vertueuse. C'est-à-dire tu espères mais tu ne restes pas, j'espère et tu ne fais rien. Tu espères mais tu fais les actions vertueuses. Et on a dit c'est quoi l'action vertueuse? L'ilm, c'est celle qui a l'ikhlas et le mutaba'a. Et donc, c'est celle qui est accompagnée de l'action vertueuse, et donc tu fais les causes et tu espères en Allah le Très-Haut. Et avec ça, on a fini cette dora de tuyla pour cette fois-ci, Inch'Allah. Hein? Et demain, Inch'Allah, je serai à Saint-Marcelin. Je ne sais pas où c'est, ne me demandez pas où c'est. Vous êtes du coin, vous savez mieux que moi, je sais que c'est dans le coin, c'est tout ce que je sais. Hein? Pour deux cours, après dora, Inch'Allah, on va faire un autre livre d'un imam de la communauté qui est l'imam de Bardahari, Rahmahullah. Hein? Le Cheikh Ahmed Najmi. Hein? On va faire les premiers. Les premiers, on va faire deux cours, Inch'Allah, les premiers points de Sharh Sunnah, hein, notamment l'islam et la Sunnah et l'islam. Inch'Allah. Et donc, Jazakumullah khairan pour votre accueil encore une fois et pour votre bon soupçon vers nous. Et qu'Allah vous préserve, nous préserve et qu'Allah fasse que nous fassions parmi les muflihin, hein, et que nous préserve d'être parmi les khasirin. Wa jazakumullah khairan wa subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.